le sang, la mandoline coule dans ses bras. Le petit ne lui fait pas peur, elle entend la musique du bonheur. Ses journées se ressent comme des bouts d'eau, ses soirées ne connaissent pas le même fardeau. Chante, danse, Joséphine, toi qui n'as peur de rien, et va entraîner ta voisine jusqu'au petit matin. Surtout n'oublie pas tes bottines et ton grand sac à main au volant de ta limousine. Va vers ton destin. Chante, Joséphine, qui au cœur magicien et le son de la mandoline qui fait bouger tes reins. Dans ta plante, crainte des débiles, les passions de ton cœur, ton cœur que des friandises nourrissent ton bonheur. Joséphine reste pas chez soi, le corps fragile est fréquent des cinémas. Rien ne peut faire rêver, c'est juste pour faire passer la journée. Quand vient le soir, elle pleure de désespoir de ne pas pouvoir accomplir son devoir. Ce qu'elle souhaite au fond de son cœur, vibrer, vibrer au fond de son bonheur. Chante, danse, Joséphine, toi qui n'as peur de rien, va entraîner ta voisine jusqu'au petit matin. Surtout oublie pas tes bottines et ton grand sac à main au volant de ta limousine. Vol vers ton destin. Chante, Joséphine, qui au cœur magicien et le son de la mandoline qui fait bouger tes reins. Dans ta tête encre indélébile, les passions de ton cœur, dont ton cœur plus les friandises qui nourrissent ton bonheur. Dididi dam, dididi. Joséphine, toi qui n'as peur de rien, et va entraîner ta voisine jusqu'au petit matin. Surtout n'oublie pas tes bottines et ton grand sac à main au volant de ta limousine. Vol vers ton destin. Chante, Joséphine, qui au cœur magicien et le son de la mandoline qui fait bouger tes reins. Dans ta tête,